Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Ben, on va parler d'abord du classement POC. Comme on le fait tous les mercredis, on vous donne le classement POC. C'est le classement provincial du hockey double lettre. D'abord, au niveau Bantam, les Hurricanes de Massouillage sont au 14e rang. Les Rapides de Boussessigny au 37e rang et les Ambassadeurs de Chibougamau au 91e rang. Niveau Midget, le Marcos Pop de Saint-Félicien est au 2e rang. Et les Ambassadeurs de Chibougamau sont au 74e rang. Et au niveau Junior 2A, les Épervilles Normandins sont au 14e rang. Et les Sabres de Robertval sont au 46e rang. Transaction mineure hier chez les Saguenayens de Chicoutimi. Les Saguenayens qui ont envoyé le gardien de but Simon Boudreau au Titan de Candy Batters. En retour d'un choix au repêchage de 2018. Parlons maintenant de football. Bonne nouvelle pour Philippe Lavoie. Il va participer à l'International Bowl le 28 janvier à Orlando. Il va participer dans l'uniforme du Canada. Philippe, qui sera accompagné de trois autres joueurs de la région, soit Grégoire Martin, William Desgagnés et Charles-Lee Allary. C'est un tournoi qui regroupe plusieurs nations de football et évidemment, il devra affronter les meilleurs espoirs du football américain. Et puis, c'est une question de football. Le Titan de l'équipe de Limoilou, du Cégep de Limoilou, a été éliminé la semaine dernière. C'est dans la région de Québec. Le Cégep de Limoilou comptait sur deux joueurs de la région de Boussessigny. Et dans un premier temps, on a parlé avec Dave Parent ce matin. Et il est quand même très satisfait de la saison. Oui, je suis quand même content parce que quand on fait... C'est sûr qu'on... On veut toujours faire partie de la grande danse, mais quand on regarde un peu avec un peu de recul, là, le progrès de nos jeunes joueurs, le processus est en branle. On est à la deuxième année en division 1. Il y a eu beaucoup de positifs là, dans notre saison. Puis pour une huitième année consécutive, là, on a participé aux séries, donc on s'est donné encore une fois une chance là, de participer à la grande danse. Oui, il y a beaucoup de positifs dans notre saison. C'est sûr qu'on est déçu de ne pas faire partie de la grande danse, mais je pense que quand on la regarde, on a fait un pas là, vers le but ultime là, pour l'an prochain. Dave Parent nous parle également de Philippe Lavoie de Saint-Gilles-d'Arc qui a quand même bien progressé. C'est sûr que c'est difficile là, pour un kid là, de 17 ans là, de quitter une vie familiale, d'arriver un peu dans une nouvelle réalité où est-ce que ces deux gars, mais même pour la plupart des jeunes joueurs, c'est... sont confrontés un peu, même si on avait beaucoup de talent, sont confrontés un peu à un choc, parce que je joue contre des gars là, que de 19-20 ans qui sont à maturité. Fait que tu t'en remets les doutes, mais quand les doutes sont discipés, le talent ressort, puis dans les deux cas, là, on est bien content de leur progression. OK. Et en terminant, Dave Parent nous parle de William Saint-Pierre de Dolboum-Sessigny, qui a quand même, on a du travail avec pour le remettre en forme durant la saison, mais il a bon espoir qu'il va aider le club dans les prochaines années. Will, il a fallu le remettre en shape parce qu'il était pas en shape, mais il avait un problème avec ses épaules. Donc on a pris le temps, là, on a fait un reset en mi-saison, là, quand le soir après jouer puis qu'il peut jouer à moitié. Donc on a fait un reset avec, puis là présentement il va super bien, puis on pense que cet hiver, là, il va tout est en place. Là. C'est deux gars qu'on est très, très contents d'avoir avec nous autres et qui vont avoir un impact très important avec notre projet. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Alex Labbé qui va participer à sa première course en série Infinity en NASCAR en fin de semaine à Phoenix. Également, Pascal Masson vient nous commenter le fait que Jim Popp ne soit pas de retour à la barre des Alouettes de Montréal. Et vous pouvez également écouter l'entrevue avec Sébastien Morin, qui est descripteur des matchs des Saguenayens, où il nous parle de l'excellent voyage des Sags dans les Maritimes. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.